va capturer un ange qui passe. Je pourrai jamais traîner ton sourire sur ces longues routes qui m'emmènent loin de toi. Tu es la brise qui donne vie au champ de blé. Tu es la forêt qui transpire l'été et parfume aussi loin que la lumière peut aller. Peggy, ne sors pas ce soir. Peggy, ne lui dis pas oui. Peggy, dis-lui que tu m'aimes, que tu n'aimes que moi. On peut pas attraper un coup de fou sans qu'il vous plante ses lames électriques et vous ballotte les entrailles de secousses sismiques. Tu n'aimes que moi.